Jérémie chapitre 39. La neuvième année de Sédécia, roi de Juda, au dixième mois, Nebuchadnetsar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem, et ils l'assiégèrent. Et la onzième année de Sédécia, au quatrième mois, le neuvième jour du mois, il y eut une brèche faite à la ville. Et tous les principaux capitaines du roi de Babylone y entrèrent, et s'assirent à la porte du milieu, savoir, Nergal-Sarétsé, Sangar-Nébu, Sarsekim, Rapsari, Nergal-Sarétsé, Rabma, et tout le reste des principaux capitaines du roi de Babylone. Or il arriva qu'aussitôt que Sédécia, roi de Juda, et tous les hommes de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent, et sortirent de nuit hors de la ville, par le chemin du jardin du roi, par la porte qui était entre les deux murailles, et ils s'en allaient par le chemin de la campagne. Mais l'armée des Chaldéens les poursuivit, et ils atteignirent Sédécia dans les campagnes de Jéricho, et l'ayant pris, ils l'amenèrent vers Nebuchadnetsar, roi de Babylone, à Ribla, qui est au pays de Hamath, où on lui fit son procès. Et le roi de Babylone fit égorger, à Ribla, les fils de Sédécia, en sa présence, le roi de Babylone fit aussi égorger tous les magistrats de Juda. Puis il fit crever les yeux à Sédécia, et le fit lier de double chaîne d'airain, pour l'emmener à Babylone. Les Chaldéens brûlèrent aussi les maisons royales, et les maisons du peuple, et démolirent les murailles de Jérusalem. Et Nebuzaradan, prévôt de l'autel, transporta à Babylone le reste du peuple, qui était demeuré dans la ville, et ceux qui s'étaient allés rendre à lui, le résidu, dis-je, du peuple qui était demeuré de reste. Mais Nebuzaradan, prévôt de l'autel, laissa d'entre le peuple les plus pauvres, qui n'avaient rien dans le pays de Juda, et en ce jour-là il leur donna des vignes et des champs. Or Nebuchadnetsar, roi de Babylone, avait donné ordre et commission à Nebuzaradan, prévôt de l'autel, touchant Jérémie, en disant, « Retire cet homme-là, et aie les yeux sur lui, et ne lui fais aucun mal, mais fais pour lui tout ce qu'il te dira. » Nebuzaradan donc, prévôt de l'autel, envoya, et aussi Nebuzasban, Rapsari, Nergal-Sarétsé, Rabma, et tous les principaux capitaines du roi de Babylone. Ils envoyèrent, dis-je, retirer Jérémie de la cour de la prison, et le donnèrent à Gedalja, fils d'Ahikam, fils de Safan, pour le conduire à la maison, ainsi il demeura parmi le peuple. Or la parole de l'Éternel, avait été adressée à Jérémie, du temps qu'il était enfermé dans la cour de la prison, en disant, « Va, et parle à Ebed-Mélec, Chusien, et lui dit, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je m'en vais faire venir mes paroles sur cette ville pour son malheur, et non point pour son bien, et elles seront accomplies ce jour-là, en ta présence. Mais je te délivrerai en ce jour-là, dit l'Éternel, et tu ne seras point livré entre les mains des hommes dont tu as peur. Car certainement je te délivrerai, tellement que tu ne tomberas point par l'épée, mais ta vie te sera pour butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit Éternel.